L'espoir fait vivre, rêvons d'un avenir assuré. Qu'adviendra-t-il de nos projets, du travail effectué? Le vaisseau se pose, cherchant le chemin de la réussite, avec une physionomie d'ITI motivée à plus de limites. Déterminé, condamné à réussir dans cette voie, dans cette direction. Je crois à mon peur et j'ai la foi. Tant le tout pour le tout, évitant les entourloupes, recontant le fruit d'un taf, effectué dans une soucoupe. Égaré dans l'illusion, c'est la totale confusion. Une peur bleue apparaît dans les esprits, telle une vision. Doté d'un potentiel, élargissant les connaissances. Pensant réaliser un rêve bleu et en jure d'une récompense. Les cerveaux pensent pour donner un jour un sens à une existence trop longtemps restée dans l'ignorance. Les frères se lancent, étudiant chaque possibilité pour un lendemain meilleur, aisé en toute sécurité. Dans l'au-delà, fermez les yeux. Qui habite les rêves d'un aligné rouge de colère contre les espérances prêtes de plaisanteries qui donnent le sourire jaune à ceux qui crèvent sur un sol de grisaille où il n'existe aucune trait au conquérant assoiffé son esprit fourmi un monde d'idées la terre vaste campagne est appropriée pour ses projets la lecture de son testament est déjà annoncée son feu à son zénith décidera l'espoir coupé rendant l'espoir utopique en l'effaçant d'un carré blanc car les cordons bleus de la nacuisine les escrocs à grand d'arrêt sur le verre de la jalousie d'une poche pleine de francs. Et il dit, espère aussi avoir la main verte du fruit du franc. Le peuple portant sa croix avec cœur cherche son salut. Il est l'enfant divin, l'imposteur. Il provoque le chahut, l'atmosphère maléfique. Profile les veines des corrompus. La propagande s'assume au bénéfice de son tribu. Sans pour toucher le fond, tout en ayant la forme du surfeur d'argent qui maîtrise le pipeline stellaire. D'un rêve bleu devenu grand aux yeux des hommes de bronze. Au cœur d'un massif, prêt à masser le matricule des bleus au rêve nocif. C'est un continent muet qui mange dans sa main, irrigué par une aura aussi forte que celle de dingue. Régnant au sein d'une histoire sans fin, dans un monde cruel où les terriens se croient orphelins. Dans l'au-delà, fermez les yeux. Fermez les yeux. Nous rapproche de ce rêve bleu. Dans l'au-delà, fermez les yeux. Fermez les yeux. Rapproche de ce rêve bleu. Mes songes me plongent à la conquête d'une étoile, d'une planète baignée de lumière, à des années-lumière de ma constellation nébulaire. L'image de cet orange bleu irrite mes yeux en merveille, devant ce joyau astral, mes sens en éveil traversent les courants spatiaux comme un aimant attiré par cette sphère qui me possède. Je ne sais comment faire, comment faire pour conquérir ces désirs en perpétuelle révolution. Tel un électron, un satellite en orbite qui sa trajectoire sans raison, je me consume dans l'atmosphère, pose le pied à terre pour un ultime assaut avec le vaisseau sur ce rêve. Dans l'au-delà, fermez les yeux. Fermez les yeux. Me rapproche de ce rêve bleu. Dans l'au-delà, fermez les yeux.